Parce qu'il ne va pas me rattraper le coup du lundi. Bon, j'aurais dû le rattraper aujourd'hui, mais c'est pas possible. J'ai essayé un seul coup. Et pour le cours à rattraper, il se peut que pour la semaine prochaine, je vais voir si jamais, c'est-à-dire pour tout le temps, ça va sans une séance, là je vais essayer de venir et de le rattraper. Sinon, ça sera pour la troisième semaine. D'accord. Pour la troisième semaine, vous allez de cours. Ça a allégé au maximum. Donc c'est pas la peine. Un autre. Parce que j'ai dû reporter ma consultation d'hier pour le mardi prochain. Et là, je ne sais pas pour le reste du TD comment faire. Le problème qui se pose, les stages, il n'y a pas de médecin sur le. C'est-à-dire, on est tout le temps en prise de travail. Il n'y a pas de médecin, d'accord, qui peut assurer le travail du service et en parallèle encadrer les externes. C'est le problème qui se pose. Voilà. Et on a beaucoup de consultants en service. Et c'est le problème qui se pose. Sincèrement. On aimerait bien vous départager en groupe, vous essayez de reproduire. Bon, je vais essayer la semaine prochaine, je vais essayer de reproduire ça avec, bon, pour chaque groupe, je vais essayer de faire une fois pour chaque groupe. Donc, je ne peux pas le faire chaque jour pour les mêmes, ce n'est pas possible. Parce qu'on a du travail en service, ce n'est pas possible pour moi. Je vais essayer de m'organiser de sorte que je vais compléter ça sur le manège dans service et qu'on en finisse une fois pour toutes. Ok. Je pense que c'est mieux, voilà. Sinon, je vais essayer de le faire après, donc, le jour du rattrapage, d'accord, du coup, je vais essayer de faire donc ça en une demi-heure, parce qu'il reste juste le rachis, et ça va être vite fait. C'est pas comme les articulations périphériques, c'est clair, d'accord. Bon, aujourd'hui, donc, on va voir, donc, on se propose. Bon, je suis habituée à présenter les cours de façon magistrale. Je n'ai pas pu travailler avec le parce que les habitants assimilés, oui, bien, bon, parce qu'on est en train de les assimiler. Mieux, oui. C'est mieux encore. Très bien. Et c'est ma méthode préférée, d'ailleurs. Les illustrations, bon, de toute façon, pour les illustrations, c'est facile. Passez-moi sur Internet. D'accord, voilà. Donc, je vous explique ce qui est nécessaire à vous illustrer aujourd'hui. Sinon, vous avez des outils, machin, s'il vous plaît. Alors, un peu de silence, s'il vous plaît. On va commencer. Alors, est-ce que je propose prendre pour l'ostéomalacie ? Ostéomalacie, os, mou. C'est-à-dire le terme étymologique, os, mou. Pour l'ostéoporose, c'est os poreux. D'accord. Donc, il y a une définition donc, de l'ostéoporose qui est donc, elle est définie par l'OMS. C'est, parce qu'auparavant, c'était juste un os poreux, mais c'était insuffisant. Maintenant, il y a une définition plus donc, précise. C'est une diminution, d'accord, de la masse osseuse avec, c'est impératif, avec altération de la micro-architecture osseuse, c'est-à-dire un os qui devient poreux, c'est vrai, mais aussi la micro-architecture de l'os qui s'altère, c'est-à-dire on a des micro-fractures au niveau de la trame osseuse, impérativement. D'accord? Donc ceci va engendrer quoi? Va engendrer donc un os qui est fragile. Et qui dit os fragile, dit susceptibilité à faire des fractures. Cette susceptibilité de faire des fractures, donc, c'est le, tout le problème est là pour l'osteoporose. Tout le problème est là. Ce risque fracturaire fait de l'osteoporose un véritable enjeu donc, de la santé publique. Pourquoi ? Vu donc, le coût, premièrement, le coût donc, du traitement de ces fractures, d'accord ? L'absentéisme. C'est vrai. Bon, moi, l'absentéisme, bon, c'est aléatoire. Pourquoi ? Parce que, donc, en dehors des fractures des ostéoporoses secondaires, bon, parce que la plus fréquente, c'est les ostéoporoses post-ménopausiques ou bien les ostéoporoses séniles, chez le vieillard, en rapport avec le vieillissement. Donc, c'est surtout les comorbidités et le taux de mortalité très élevé qui est lié donc, à ces fractures. Généralement, donc, un taux de 15 à 20% de mortalité après une fracture, surtout une fracture du col du fémur. Un tassement vertébral, bon, ça ne tue pas, d'accord ? Mais une fracture du col du fémur, généralement, elle est cause d'alitement, elle est cause d'indépendance, donc c'est des sujets qui deviennent dépendants, elle est cause de dépendance de ces sujets. C'est des sujets qui perdent leur dépendance. C'est une cause de comorbidité. C'est des sujets qui sont alités avec toutes les conséquences de l'alitement. Toutes les conséquences de l'alitement. Et le taux de mortalité est très élevé. Très souvent, donc c'est des sujets donc, qui sont sujets à faire des infections à répétition. Donc, le risque thromboembolique, d'accord, en rapport avec l'alitement, avec la fracture elle-même, donc les embolies graisseuses par migration d'un fragment, donc de, et on voit ça très fréquemment. Donc, c'est ce qui fait de cette pathologie un véritable enjeu de la santé publique et essayer de trouver des solutions donc, pour elle. D'accord ? Bon, question de prévalence, c'est une affection qui reste très très fréquente. Elle touche principalement les femmes, donc 4 femmes sur 10. Sont sujets à faire une ostéoporose en post-ménopause. D'accord ? Avec ou sans facteurs de risque. Et on va voir ces facteurs de risque par la suite. Donc, chez l'homme, bon, l'ostéoporose masculine, c'est vrai, elle est moins fréquente. OK ? Mais bon, la tranche d'âge, donc, généralement, on voit que c'est une forme qui survient, donc, qui est en rapport avec l'âge, avec le vieillissement. Avec le vieillissement, bon, pourquoi ? Il y a une carence en vitamine D, en calcium, en parallèle. Il y a donc une, comment dirais-je, un vieillissement sur le plan donc, hormonal avec carence androgénique chez l'homme, qui survient généralement vers l'âge de 70 ans, ce qui fait que c'est une ostéoporose qui reste quand même. Il y a le tabac aussi, il y a l'alcool qui sont des facteurs aussi favorisants, mais elle reste tout utile, donc elle reste toujours moins fréquente que chez la femme. D'accord ? 40% des femmes, donc après 80 ans, généralement, font une fracture. Après 70 ans, font une fracture osteoporotique. 40%, et attention, c'est un pourcentage qui est presque la moitié des femmes, d'accord ? Feront une fracture osteoporotique, quel que soit le siège vertébral, périphérique, après l'âge de 70 ans. Donc c'est très très grave. D'accord ? C'est ce qui fait de cette affection donc une pathologie donc, à prendre en charge, à étiqueter de façon très précoce, avec une prise en charge donc, qui doit être très sérieuse. Malheureusement, sur le plan pratique, c'est une pathologie qui reste encore mal prise en charge. On a toujours des difficultés donc, dans la prise en charge des malades. Vis-à-vis de la CNAS, c'est des médicaments qui sont très très chers, qui ne sont pas remboursables. Ils ne sont pas donc, accordés pour nos malades, facilement, pour les malades, même devant d'authentiques ostéoporoses fracturaires. Donc, ils sont très rigides. La CASODAC, donc la CNAS, est toujours encore très rigide vis-à-vis de la prise en charge de ces ostéoporoses. D'accord ? Vous savez très bien que l'os, donc, il est constitué, donc, pour connaître en idiopathologie comment s'installe cette osteoporose, vous savez très bien que l'os, il est constitué d'un os cortical trabéculaire. Pour l'os cortical, il prédomine au niveau des surlons. Très bien. Voilà ce qui fait, c'est ce qui constitue donc, la majorité des surlons. Pour l'os trabéculaire, donc, c'est surtout pour les surlons, voilà, donc vertèbres, côtes, pelvis, donc, ces masses osseuses subissent dans le temps donc, un remodelage continu, donc un remodelage osseux continu dans le temps. Ce remodelage commence dès la naissance jusqu'à la mort, mais avec donc un certain équilibre. Donc, à la naissance, donc, le remodelage osseux se fait donc, chez le sujet jeune en avant. Donc, quelles sont les molécules qui assurent d'abord ce remodelage? Vous avez c'est les osteoclastes et les ostéoblastes. Généralement, on a un équilibre entre la formation et la vie osseuse pour assurer soit la réparation donc, d'un os ou bien le renouvellement, le turnover cellulaire osseux continu qui se fait dès la naissance. Donc, il se fait d'une manière normalement équilibrée. Les ostéoclastes, cette résorption commence par la phase de résorption. C'est la première phase. Vous avez une résorption assurée par les ostéoclastes. Les ostéoclastes viennent, d'accord, en quelque sorte, réparer cette isosceles et ceci se fait de façon équilibrée dans le temps. Cet équilibre, donc, généralement, donc, se fait de façon ascendante jusqu'à l'âge de 20 ans, 25 ans, donc, d'une manière équilibrée. À compter de 30 ans, cet équilibre, surtout chez la femme, je dis bien surtout chez la femme, commence à dégringoler progressivement, bien sûr, donc, presque au plateau. Je vais vous montrer donc, la courbe. Voilà. Donc, chez la femme, jusqu'à l'âge, regardez là, jusqu'à l'âge de 20 ans, 25 ans, on a le pic de masse osseuse. Vous avez le pic de masse osseuse. Puis, on a donc une inflexion progressive de cette donc, masse osseuse qui est donc toujours, considérable jusqu'à l'âge de pré-ménopause même. D'accord ? On dit que 5 ans déjà avant l'installation de la préménopause, la femme commence déjà à perdre presque 5% de sa masse osseuse. Donc, déjà en préménopause, il commence déjà à s'activer. D'accord ? En périménopause, on a une activation intense, d'accord, de cette perte osseuse. Pourquoi ? Pourquoi ? Voilà, donc c'est d'ordre hormonal. Vous savez très bien que l'ostéoformation chez la femme, elle est sous le contrôle des oestrogènes. Ces oestrogènes qui sont, donc, favorisent l'ostéoformation avec donc, la chute des oestrogènes avec la ménopause. D'accord ? On a déjà la chute des oestrogènes qui commence déjà avant la ménopause. Avec la ménopause, c'est bon, ça y est. Il y a une carence. Donc, importante en oestrogène. Donc, avant même l'installation de la ménopause, la femme commence déjà donc, à perdre donc, de sa masse osseuse avec un pic en donc, périménopause par carence oestrogénique. Cette perte donc, elle reste très accélérée jusqu'à généralement, presque une phase de plateau, jusqu'à l'âge de 70 ans pour rejoindre en quelque sorte celle de l'homme. C'est-à-dire maintenant, donc, à 65 à 70 ans, c'est surtout le vieillissement qui vient primer, d'accord, donc en quelque sorte, qui vient expliquer cette perte osseuse. Chez l'homme, on a un pic, comme chez la femme, jusqu'à 25 ans, puis c'est une inflexion qui reste quand même donc, très progressive dans le temps, jusqu'à l'âge donc, de 70 ans, 80 ans. C'est pour ça donc que l'ostéoporose reste moins fréquente chez les hommes que chez les femmes. Plus fréquente, c'est surtout c'est une maladie qui donc c'est l'apanage surtout des femmes ménopausée. Bien sûr, il y a des ménopauses secondaires à ne pas négliger qu'on va discuter tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Donc ce déséquilibre, donc à l'arrivée de la ménopause, ce déséquilibre entre formation et ostéoformation, vous avez donc l'ostéolyse, l'hyperostéoclastose et l'hyperréduction osseuse qui va dominer, elle va dominer cette ostéoformation et on assiste à ce déséquilibre qui va générer secondairement donc cette ostéoporose post-ménopausique. Il y a deux types d'ostéoporose, il y a l'ostéoporose de type 1 et il y a l'ostéoporose de type 2. L'ostéoporose de type 1, c'est une ostéoporose donc appelée l'ostéoporose post-ménopausique, elle touche principalement l'os traviculaire, d'accord? Donc par diminution de l'ostéoformation. La même chose, le type 2, c'est une ostéoporose appelée corticale. Corticale, elle touche les deux sexes. Bon, on dit c'est l'ostéoporose sénile, d'accord? Elle est donc plus prépondérante donc, chez l'homme. Pourquoi? Parce que la femme, c'est vrai, elle est déjà ostéoporotique. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est plus fréquente chez l'homme parce que le taux de fracture chez les hommes, donc du col du fémur, est plus fréquent donc à l'âge de 70 ans que chez les femmes. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est plus fréquente chez les hommes. Mais sinon, les deux sexes se rejoignent à cet âge, d'accord? Parce que la femme, elle est déjà ostéoporotique. À cet âge, on a un amincissement surtout des corticales osseuses, d'accord? Surtout des corticales. Et là, c'est surtout par carence vitamine calcique, d'accord, c'est une carence surtout en vitamine D et en calcium, bien sûr, accessoirement, même chez les hommes, donc par un déficit en androgène, d'accord, et le tabac, l'alcool, mais c'est surtout la carence en vitamine D et en calcium qui explique ce type d'ostéoporose, d'accord, c'est clair. Cette affection expose au risque fracturaire, ce risque fracturaire qu'il va falloir en quelque sorte prévenir par des moyens thérapeutiques qui doivent être instaurés à temps. Bien sûr, devant toute fracture, d'accord, le diagnostic d'ostéoporose doit être un diagnostic d'élimination, impérativement. Devant toute raréfaction osseuse, devant toute fracture, le diagnostic d'ostéoporose doit être un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire, avant de dire qu'il s'agit réellement d'une fracture d'ordre ostéoporotique, il va falloir éliminer impérativement, donc, surtout pour des fractures qui surviennent, des traumas minimes, comment dirais-je, de faible énergie. C'est-à-dire, le patient, par exemple, en marchant, il fait une petite chute, donc il n'y a pas un grand trauma, et là, il y a une fracture qui survient. Ou bien, des fois, c'est juste suite à un mouvement de redressement, une fracture vertébrale, d'accord? Donc, toutes ces fractures de faible énergie, d'accord, qui sont déclenchées par des traumas mineurs, doivent faire suspecter, c'est vrai, une ostéoporose, une fracture ostéoporotique, mais avant tout, donc une origine principalement tumorale, ou bien une cause endocrinienne sous-jacente qui va favoriser, d'accord, la survenue d'une ostéoporose secondaire. Endocrinienne. Bon, on vient de parler de l'ostéoporose commune. D'accord. Donc, toute fracture ostéoporotique, avant de dire que c'est une fracture ostéoporotique bénigne commune, sur ostéoporose bénigne, il va falloir impérativement éliminer une origine tumorale. D'accord. Ceci pour des fractures de faible énergie, c'est-à-dire qui surviennent suite à un geste banal de la vie quotidienne, à une chute banale de sa propre hauteur, d'accord, suite à un mouvement de redressement banal, avant de dire qu'il s'agit d'une fracture, d'accord, d'origine ostéoporotique commune banale, il va falloir impérativement s'assurer qu'il s'agit, c'est-à-dire laisser ça de côté dans vos têtes et commencer à rechercher d'autres études, d'accord, pour laisser L'ostéoporose en étant un diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire évoqué après avoir éliminé une cause tumorale principalement. Je dis bien principalement tumorale, d'accord ? Que ce soit primitive, des métastases osseuses, un lymphome osseux, un myélome, une maladie de Kanner, d'accord ? Ou bien une cause endocrinienne sous-jacente telle qu'un hypercorticisme, une hyper, dans un cuchet, voilà, un hypercorticisme, une hyperthyroïdie, d'accord, une hyperpara, qui sont donc génératrices, d'accord, d'ostéoporose secondaire. Donc là, le traitement, il va falloir traiter la cause, d'accord, bien sûr, et s'assurer qu'il s'agit réellement de ça, traiter la cause, avant de dire qu'il s'agit d'une fracture d'ordre ostéoporotique commune. C'est clair? Bon, le diagnostic, il est très banal. Bon, généralement, c'est des douleurs, c'est comme pour le somalacie, donc c'est des douleurs osseuses, diffuses, parfois même absentes, surtout si la patiente est au stade d'ostéopénie encore, c'est-à-dire elle n'est pas encore au stade d'ostéoporose avérée. Donc, c'est surtout votre examen clinique et vos examens complémentaires qui vont permettre donc d'affirmer ou de confirmer votre diagnostic. Le patient, donc, il peut venir vous voir au moment des complications, une fracture, un tassement vertébral, d'accord, mais généralement, c'est très rare de voir des malades qui viennent consulter pour des douleurs ostéoporotiques parce que généralement, la douleur, elle est causée par la fracture, par un tassement vertébral. D'accord ? Cette raréfaction, elle reste indolore. Même si vous avez des douleurs, c'est des douleurs, si le malade donc, a un os qui est encore raréfié, donc c'est des douleurs de type mécanique, donc banal, pour lequel ni le malade des fois, ni le médecin ne lui leur accorde donc une importance avérée. D'accord ? Donc, sinon, c'est surtout, le patient vous rapporte l'attention, c'est surtout la perte de la taille. Voilà. Le patient vous dit que, madame, donc j'avais une taille de telle. Donc 1m60, 1m70, 1m80. Et là, donc je fais 1m60, 1m50. Et là, je ne comprends pas. Et en faisant des radiographies, vous allez constater que cette diminution de la taille est en rapport, en effet, à des tassements vertébraux que le malade, parce que ce tassement vertébral peut être asymptomatique. Donc il peut évoluer à bas bruit. Le malade ne le sent pas. Parfois, donc, il peut être générateur d'une crise douloureuse très vive, d'accord, avec un dorsalgie ou bien un lumbago. Les vertèbres les plus touchées par l'ostéoporose, les vertèbres cervicales, jamais. Pourquoi ? On ne sait pas. Peut-être parce que le cou, donc c'est des articulations, justement l'activité physique. L'activité physique, c'est là donc des facteurs, en quelque sorte, de partie lombaire. Lombaire, bon, je ne peux pas vous répondre là-dessus. C'est une constatation. On a remarqué que le rachis lombaire, le crâne, les doigts, les orteils, c'est des parties qui sont généralement épargnées par le secours. Mais vous avez l'impression qu'on touche tout le squelette. Tout le squelette. Mais pour faire une fracture pathologique au niveau du rachis cervical, ça c'est d'origine au secours. C'est pour ça. Tout tassement vertébral, cervical, il est malin à coup sûr. D'accord. Il est malin. Bon, je vais arriver. Répétez, s'il vous plaît. Tout patient vertébral, cervical, il est malin. Je ne dis pas pincement, je dis tassement. Tassement, c'est-à-dire que vous avez une perte de la hauteur de la vertèbre. Cette perte va de 20, 50, 60, 70 de la taille de la vertèbre. Avec altération du mur vertébral antérieur. Le mur vertébral postérieur en matière de sous-pose, il est épargné. Et on va voir ça tout à l'heure pour différencier entre un tassement bénin et un tassement malin. D'accord? Vous avez des critères de bénignité et des critères de malignité. Alors, un tassement vertébral, cervical, il est malin à 100%. À 100%. D'accord. Voilà. Pour de la chambre dorsale, donc un tassement au-delà de la quatrième dorsale, c'est-à-dire D5, D6 et au-delà, est généralement, majoritairement, d'origine tumorale jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Voilà. Au-delà de la cinquième, la quatrième vertèbre dorsale, au-delà de T4, on dit maintenant thoracique, on parle plus de dorsale. Donc, au-delà de la quatrième vertèbre dorsale, tout tassement vertébral doit être fortement suspect d'une malignité jusqu'à preuve du contraire. Ok. Moins de L4, d'accord aussi. Donc, un tassement de L1, L2, L3 aussi est suspect d'une malignité jusqu'à preuve du contraire. L1, L2, L3, il est suspect de malignité jusqu'à preuve du contraire. Ceci dit que un tassement peut être d'origine donc ostéoporotique, même au niveau dorsal, et mais dans la majorité des cas, il est malin jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Donc, je reviens pour l'activité physique et la ration calcique reçue son bas. J'ai oublié de vous attirer, d'attirer votre attention là-dessus. Il faut savoir que la ration calcique de base et l'activité physique en bas âge, ce sont deux facteurs donc primordiaux qui conditionnent en quelque sorte la perte de la masse osseuse à un âge adulte. C'est-à-dire, un sujet qui a fait donc reçu une ration vitamino-calcique de base correcte, importante en bas âge, donc fera moins d'ostéoporose qu'un sujet qui a eu une ration vitamino-calcique donc diminuée ou bien carencée. D'accord. Même pour ces sujets qui ont eu une carence, ces sujets qui ont eu une ration vitamine calcique équilibrée, d'accord, et bien dosée, c'est des sujets, même s'ils font des ostéoporoses, c'est des ostéoporoses généralement non fracturaires. La même chose pour l'activité physique. Et cette ration vitamine calcique, surtout de base. Ceci dit, le patient, donc, pour nous tous, on doit toujours avoir une ration vitamine calcique équilibré, quel que soit l'âge. Mais, pourquoi je parle de base? Parce que cette ration qu'on a reçue en bas âge, elle va conditionner le mode d'évolution, d'accord, de notre masse osseuse à l'âge adulte. La même chose pour l'exercice physique. Donc, quelqu'un de sédentaire, je ne sais pas, d'alité en bas âge, un sédentaire en bas âge, bien qu'il n'a pas fait assez d'activité physique, c'est des sujets qui sont susceptibles aussi de faire des ostéoporoses à un âge adulte de façon plus précoce et des ostéoporoses généralement fracturaires. Cette activité physique aussi de base conditionne, c'est-à-dire en bas âge. Elle conditionne aussi donc notre masse osseuse à un âge adulte. La même chose, donc on doit toujours garder, quel que soit l'âge, même pour donc, des vieillards, il faut toujours garder une activité physique correcte. Pourquoi? Bon, bien sûr, ce squelette musculaire, ces masses musculaires, c'est vrai, c'est des sources de maintien pour l'os, c'est vrai, mais on a remarqué que donc, cette activité physique, elle est anabolisante pour l'os. Elle favorise le renouvellement, d'accord, positive, c'est-à-dire elle favorise l'ostéoformation de l'os. Premièrement, donc, cette activité physique, donc, elle favorise le renouvellement donc, osseux à un âge adulte, et il faut essayer de la maintenir quel que soit l'âge, parce que c'est vrai, celle qu'on a reçue en bas âge, elle conditionne mieux. Mais ceci dit, il faut toujours garder de façon continue, même devant d'authentiques, donc ostéoporose fracturée, une activité physique régulière. Pourquoi ? Donc, ça renforce votre musculature, ça vous fait éviter, ça permet de garder une certaine forme physique, donc, et ça vous permet de déambuler, de garder votre activité donc, de marche de façon continue, de façon correcte. Et ça évite même le risque de chute. Ça vous évite, cette activité physique vous évite le risque de chute. Quelqu'un qui a une amyotrophie, par exemple, du quadriceps. Quelqu'un qui est confiné donc, à une chaise ou bien il marche rarement. Petit à petit, donc, on a une amyotrophie de sa musculature qui s'installe. Donc, avec le moindre dérobement, il y a le risque de chute. D'accord. Et c'est ce risque de chute qui est source de sa fracture. C'est pour ça maintenant, dans le traitement osteoporose, on prévient ce type de chute. On doit prévenir. Donc, prévenir comment ? Donc, premièrement, l'ameublement. L'ameublement, il faut essayer donc, de faire de sorte que, donc, éviter au malheur, donc, enlever les tapis donc, au maximum, enlever les câbles donc, au maximum, mettre des tapis antidérapants donc, dans la salle de bain, donc des moyens préventifs, d'accord, des chaises avec appui, d'accord, des moyens donc, qui permettent de minimiser ce risque de chute qui est donc ces chutes qui font toute la gravité de cette affection. Donc l'activité physique, la ration de base en vitamine calcique donc sont deux facteurs prépondérants pour votre masse osseuse adulte. D'accord, elle conditionne donc votre masse osseuse à un âge adulte. D'accord. Donc, je reviens pour la clinique. Donc, c'est des sujets généralement, donc, j'ai dit, c'est la diminution de la taille, d'accord, qui amène malade. Sinon, c'est des tassements vertébraux généralement aigus ou bien une fracture périphérique qui, d'accord, parfois, c'est suite à des bilans qui ont été demandés pour donc, d'autres pathologies, d'accord, sur lesquelles on constate cette fracture osseuse. Surtout en absence de facteurs favorisants. Et pour le calcul de cette pour la recherche, il faut rechercher un patient qui se présente pour une fracture ou bien pour une. D'ailleurs, chez toute femme ménopausée, il y a ce qu'on appelle donc il y a le calcul du FRAX. Donc c'est-à-dire on n'a pas encore en Algérie un FRAX qui nous est propre. C'est un indice, d'accord. Il est sur Internet. Ça vous permet de calculer donc, votre proportion, bien votre pourcentage de risque fracturaire sur une durée donc, de 10 ans. Bon, nous, en Algérie, on ne dispose pas de ça. Chaque pays, normalement, parce qu'on a des normes, d'accord, qui nous sont propres. Donc, les Tunisiens, les Marocains, ils ont établi leur propre praxe. On travaille encore avec le PRAX français, les pro-français dans le sang. D'accord, voilà. Donc, sur Internet, donc, vous pouvez donc, facilement accéder. Donc, ça vous permet de déterminer votre pourcentage ou bien coefficient de fracture sur, sur les 10 ans prochains. D'accord, voilà. Il faut essayer de toujours le faire donc, chez des patients en pré-ménopause ou bien chez des patients qui présentent des facteurs de risque. Des facteurs de risque, c'est très très vaste pour les facteurs de risque. Voilà, des facteurs de risque donc d'ordre médicamenteux, tels que, et en chef de file, les corticoïdes. Les corticoïdes qui sont largement utilisés en rhumatologie, d'accord, ils sont largement et ils sont la base donc, du traitement de la majorité, d'accord, des maladies auto-immunes, donc systémiques. Donc, chez une patiente qui reçoit une dose de 7,5 mg de cortensive sur une durée de 3 mois. Donc, c'est une personne qui développera à coup sûr une osteoporose. D'accord, cortisone. Donc, une dose de 7,5. Une dose de 7,5 mg de cortisone. D'accord, de corticoïdes, quel que soit le type de corticoïdes, sur une durée de 3 mois, donc, expose la patiente, bien le patient, à faire une ostéoporose cortisonnée à coup sûr. Le mécanisme, donc ces corticoïdes vont altérer donc, le fonctionnement des ostéoblastes, c'est-à-dire ils vont freiner la formation osseuse. D'accord. Pour le mécanisme d'action, c'est des donc, molécules qui vont freiner la formation osseuse. Et il faut tenir cette notion en tête parce que pas mal de généralistes s'amusent à jouer à tort et à travers avec les corticoïdes. Surtout, oui. Là, justement, supplémentation. Bon, en Algérie, on n'a pas encore l'AMM pour ça. En France, ils ont l'AMM pour utiliser les bifosphonates. Bon, c'est des médicaments anti-ostéoclastiques, d'accord. On donne des traitements donc, préventifs, impérativement, avec une corticothérapie au long cours. Ce n'est pas le cas chez nous encore. Ce n'est pas le cas. Même si vous essayez de justifier donc, sur votre ordonnance, avec votre exploration, avec vos explorations vis-à-vis de la drogue, pour que la femme soit ménopausée, pour qu'on lui accorde ce type de médicament. Quelle que soit la raison. D'accord. Donc, on revient des causes iatrogéniques pour les osteoporoses secondaires. On a, à côté de ça, vous avez donc l'héparinothérapie. L'héparinothérapie au long cours, aussi, c'est un facteur donc, aggravant, en quelque sorte, de l'osteoporose. Vous avez comme autre médicament les barbituriques. Voilà. Les barbituriques, par quel mécanisme? Voilà. Parce qu'ils s'opposent à l'hydroxylation hépatique de la vitamine D au niveau hépatique. Et ceci expose, voilà, expose au risque donc de survenue de osteoporose secondaire. La même chose, c'est des molécules qui vont s'opposer donc à l'action. C'est des anti-c'est, ils vont accélérer l'activité osteoclastique. Donc c'est des sujets qui il y aura un déséquilibre dans le comment dirais-je le remodelage osseux. Il y aura un déséquilibre. Vous avez donc l'ostéolyse qui va primer sur l'ostéoformation. Voilà. Donc les causes médicamenteuses, les causes endocriniennes, c'est très important, les causes endocriniennes, surtout. Donc, vous avez l'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie, donc, la TSH, qui va donc, activer l'activité des ostéoclastes. Et on a un déséquilibre par, voilà, hyper-ostéoclastose. Vous avez l'hypercorticisme dans le cadre d'un Cushing. Et là, c'est le même mécanisme que donc, pour la corticothérapie féroce. Voilà. Vous avez l'hyperparathyroïdie. L'hyperparathyroïdie parce que vous avez donc une déminéralisation accrue de l'os, ce qui va donner donc une masse osseuse diminuée, d'accord, et ceci va donc favoriser la PTH, elle est hyper, donc elle va activer donc, les ostéoclastes, déséquilibre entre ostéoformation et ostéodonque. Donc, hyper-ostéolyse, plutôt donc l'équilibre entre ostéoformation et par la PTH. Vous avez, donc pour les causes. Oui. Donc, l'ostéomalacie peut être une cause. Oui. L'ostéomalacie, d'ailleurs, pour le mois, c'est-à-dire pour l'examen qui permet de confirmer l'ostéoporose, c'est l'ostéobronchitométrie. D'ailleurs, dans l'ostéomalacie, j'ai oublié de vous expliquer. Donc, généralement, elle est diminuée. Elle est moins de 2,5 mg. Donc, la définition OMS de l'ostéoporose. Donc, on a toujours une association d'une ostéoporose qui vient se surajouter par carence vitamino-calcique. D'accord. Donc, des causes toujours endocriniennes. Vous avez l'hypogonadisme, qu'il soit congénital ou bien acquis. D'accord. Congénital, le syndrome de Turner chez la femme. l'hypogonadisme n'est pas l'état constitutionnel, vous avez le syndrome de Klippel-Kahn, voilà, chez l'homme. Voilà. Bien sûr, cet hypogonadisme aussi pour la glande hypophyse, d'accord, une incidence anti-hypophysaire chez la femme, dans le cadre des syndromes de Sheehan, d'accord, des tumeurs hypophysaires, donc on aura une freination de l'ostéoformation avec un état d'hyper, donc ostéoblastose, voilà. Vous avez aussi, toujours dans par endocrinienne, vous avez des castrations hormonales, le traitement, donc les anti-aromatases pour le traitement du cancer du sein, d'accord. C'est comme pour, c'est le même mécanisme, vous avez dans les anti-aromatases et donc par hypogonadisme, en quelque sorte, c'est le même mécanisme, et dans le cancer de la prostate, les castrations, d'accord, ou bien les anti-androgènes, comme dans pour les... Donc, pour ces cassés de la prostate, donc on a une hyper-ostéoclastose qui va primer sur la formation osseuse. D'autres causes, vous avez le rachitisme, la mastocytose, c'est une affection systémique, d'accord. Donc, d'étiologie inconnue qui va altérer l'architecture osseuse, qui va engendrer un état d'hyper-ostéoclastose très prononcé, source d'ostéoporose très fracturaire. Vous avez aussi comme cause secondaire, vous avez l'ostéoporose masculine. Il y a les causes, les ostéoporoses primitives, idiopathiques. C'est des sujets d'ordre génétique en quelque sorte, c'est des sujets qui sont susceptibles, bon le mécanisme n'est pas bien connu, ils sont susceptibles, il rejoint celui de l'hypogonadisme, mais ce n'est pas tout à fait confirmé. C'est des sujets qui font des ostéoporoses dès le bas âge, d'accord, des ostéoporoses fracturaires, voilà, et c'est des formes généralement qui tendent à se corriger avec l'âge adulte. Donc le mécanisme est encore mal connu. D'accord. Donc vous avez à côté de ça, il y a le tabac, il y a l'alcool, qui sont très toxiques pour l'os. Le mécanisme n'est pas connu, mais c'est confirmé, le tabac, l'alcool, donc la caféine, c'est des facteurs très toxiques pour l'os. Donc, en inhibant la formation, en activant, donc on ne sait pas, il y a des études en cours, mais le mécanisme physiopathologique intime n'est pas encore bien connu. D'accord. Et devant donc, toute fracture ostéoporotique, d'accord, fracture qui survient sur un os raréfié, donc l'interrogatoire et vos bilans doivent être très étendus afin d'éliminer. Donc, une affection sous-jacente telle qu'une hyperpara, une hyperthyroïdie, un hypercorticisme, jusque-là encore méconnue. Donc, le diagnostic d'une ostéoporose commune, c'est un diagnostic purement d'exclusion. D'accord ? C'est-à-dire, une patiente qui vient chez vous, vous faites une radiographie, même si elle est ménopausée, vous faites une radiographie du rachis, vous faites une radiographie du bassin, vous constatez qu'il y a une déminéralisation, qu'il y a des tassements. Il y a tout un arsenal, d'accord, de bilan à faire systématiquement avant de dire qu'il s'agit d'une ostéoporose banale. Et il faut le demander systématiquement. D'accord. Une vitesse de sédimentation, une forme, un bilan thyroïdien, d'accord. Sauf si la maladie vous rapporte la notion d'une pathologie donc sous-jacente pour laquelle elle s'est suivie, elle se suit encore, voilà, telle qu'une hyper, un Cushing, une patiente qui a été cortisonnée, sous épargne thérapie, sous barbiturie, mais malgré ça, on peut, donc deux facteurs, trois facteurs, quatre facteurs favorisants, peuvent coexister chez le même malade. Donc, votre bilan doit être le plus exhaustif possible. Bien sûr, à côté de la recherche d'une origine maligne. D'accord, c'est clair? Donc, sur le plan radiologique, pour le bilan, il doit être exhaustif. UVS, UCRP, une formule, une électrode des protéines sériques à largeur d'un mille ohms. Donc, si c'est une femme, vous recherchez donc des marqueurs tumoraux spécifiques à certains cancers ostéophiles chez elle, le sein, l'ovaire, d'accord, la thyroïde, chez l'homme, bronchique, prostate, intestinale, d'accord. Donc, une TSH, un bilan phosphocalcique. Et le bilan phosphocalcique, dans le cadre de l'ostéoporose, comment il doit être normalement? Il est normal, d'accord. Donc, la calcémie est très souvent normale. La calciurie, il y a une hypocalciurie généralement, d'accord. La phosphorémie, elle est normale. La phosphaturie, elle est normale. Il faut savoir faire la part des choses entre l'ostéoporose, l'osteomalacie et l'hyperpara. Est-ce que vous faites la part des choses? Non, pas encore. Pourquoi? دارت الأساس ودارت الميجولة كوشك الميجولة كل ما نخطع النفخ نفخ بلاسة مدام لنغو بلاسة الأساس دارت حتى الميجولة وجات الفيزيو Elle est basse, surtout chez les sujets âgés, avec une carence vitamine calcique importante. Mais généralement, elle est normale. La phosphorémie. La phosphorémie, elle est normale. D'accord? Dans l'ostéoporose. La calciurie. Elle est soit normale, soit diminuée. D'accord? Soit normale, soit diminuée. La phosphaturie, elle est normale. Généralement, normale. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de trouble de la myéladiation osseuse. Sauf pour chez les sujets âgés où on a une carence. Donc. Important en vitamine D et en calcium, c'est ce qui peut ressentir sur la calcémie et sur la calciurie, donc la NH présence. Pour l'ostéomalacie, la calcémie, donc la calcémie, généralement elle est normale, rarement basse, rarement très basse. Pourquoi? Parce qu'on a l'hyperparathyroïdie. Très bien. La phosphorémie, elle est comment? Basse. Il est normal, il y a des phosphatases alcalines, parce qu'il entre dans le rouleau de la jonction, c'est très important. Les phosphatases alcalines, elles sont comment? Dans son porose. Non, très bien. Voilà. La phosphorémie, elle est toujours diminuée. Mais la phosphatase alcalée. Quoi? La calcémie. Elle est, donc la calcémie, elle est normale. Elle est normale. Elle est rarement diminuée. D'accord? Elle est très rarement diminuée. Pourquoi? Parce qu'on a un état d'hyperparathyroïdie qui va compenser cette carence calcique. La calcémie. Et la phosphaturie diminuée. Et les phosphatases alcalines diminuées. Et pour les phosphatases alcalines, on diminuées. Très élevées. Voilà. Voilà. Pour l'hyperpara. La glycémie, comment elle est? La phosphorémie, pourquoi? Pourquoi elle est basse? Et pour phosphorémie, le taux de calcium. Elle augmente par l'absorption du calcium qui peut se combiner très souvent avec le phosphore dans les hyperphosphorémies, mais aussi. Oui, vous rénal, l'absence de la PTH, c'est quoi? Augmente par l'absorption. Elle s'oppose à la réabsorption du phosphore. Du phosphore. Au niveau intestinal, cette PTH, on verra ça. Donc, elle va s'opposer à la réabsorption donc tubulaire du phosphore au niveau rénal et au niveau intestinal. Donc, ce qui va engendrer une hypophosphorémie. D'accord? La phosphate. Elle diminue, pardon. Elle diminue. Comment elle est? Diminue. Augmentée. Elle est très élevée. Augmentée. Non. La calciurie, elle est très élevée. Par fuite, elle est très élevée. Bon, c'est vrai, au niveau rénal, la PTH, elle essaie de réabsorber, mais elle restera toujours élevée en matière d'hyperphase. D'accord? La phosphaturie, elle est élevée. Voilà. Les pourcentages alcalines, élevés. Sont très élevés dans pourquoi? Pourquoi? Bon, il y a une altération, c'est vrai, il n'y a pas de. Y a, c'est une hormone qui est hypercalcémiante, elle va altérer, il y a un état d'hyperostéoclastose, et cet état d'hyperostéoclastose, ces phosphatases alcalines, entrent dans le cadre de ce mécanisme de remontage au sol. Cet état d'hyperostéoclastose, ou bien cet état d'hyper-renouvellement osseux, d'accord, augmente les phosphatases alcalines. Explique cette augmentation de phosphatases alcalines. Donc c'est cet hyper renouvellement osseux constant par hyper remontage osseux donc va augmenter ces phosphatases alcalines osseuses. D'accord, c'est clair, c'est bon. Alors, donc sur le plan radiologique. Bon, je vais essayer de faire des schémas. Alors, sur le plan d'accord. Sur le plan radiologique, comment elle doit être donc, chez une patiente pour se courtir, la corticale sera amincie. Donc elle est moins dense, elle est moins dense que normalement. Et ça donne ce qu'on appelle un aspect donc, de liseré, c'est ce qu'on appelle le liseré de deuil. D'accord ? Cet amincissement de la corticale, cet aspect fin de la corticale, donc est appelé donc liseré de deuil. Voilà. En ce qui concerne donc la trame spongieuse, on a un aspect raréfié de la vertèbre, c'est-à-dire on a une diminution de la masse osseuse. Du moins qu'il y a une diminution de la masse osseuse en elle-même, c'est-à-dire donc, les travées osseuses sont amoindries, ce qui donne à la vertèbre un aspect dit peigné de la vertèbre. Vous étiez. Quoi ? J'en ai un truc important. Non, je croyais qu'il y a deux cours, donc je ne sais pas. Peut-être il y a un seul cours. Attends, moi je. Il n'y a pas de problème. Et l'aspect, ça donne un peu de silence, s'il vous plaît. Ça va. Allez, on se tait. Si vous voulez assister, quelque chose. Il n'y a pas de problème. C'est bien. Alors, ça donne ce qu'on appelle un aspect peigné. C'est comme une peigne, d'accord ? L'aspect peigné. Un aspect peigné de la vertèbre. Un peu de silence. Donc la déminéralisation, elle est homogène. Un aspect peigné, d'accord ? Un aspect peigné, comme une peigne, d'accord ? Comme une peigne, d'accord ? Un aspect peigné par la réfraction de la trame osseuse, par diminution du volume osseux, d'accord ? Voilà. Et secondairement, on a l'installation de ce type de tassement. De on ne verra pas entre un tassement bénin et un tassement malade. Sur une radiographie de face, vous avez des critères sur une radiographie de face et des critères sur une radiographie de courant. Bon, la raréfaction de l'osteoporose, elle est homogène. D'accord. Le tassement malade, elle est inhomogène. D'accord. Madame, oui. C'est homogène, c'est-à-dire, c'est pas comme hier dans nos soumanassis. Dans nos soumanassis, on a dit que c'était délavé. Un aspect de cliché. Parce qu'il y a donc, par contre, il y a des foyers normalement bien dansés. Donc, juxtaposés avec des foyers non minéralisés. L'osteoporose, non, il n'y a pas d'altération de la minéralisation osseuse. C'est une diminution du volume osseux total avec une altération de l'architecture osseuse. C'est-à-dire la minéralisation qui donne à la radiographie cet aspect opaque n'est pas altéré. D'accord ? On a une diminution de la masse osseuse. C'est la diminution de la masse osseuse. C'est les micro-fractures, d'accord ? Donc, au niveau du tissu spongieux qui donne l'aspect raréfié, mais de façon uniforme, c'est-à-dire de façon uniforme. Non, sur tous les clichés, de manière globale. La déminéralisation, elle est homogène sur tout le squelette, d'accord ? C'est-à-dire, vous n'avez pas un endroit qui est plus déminéralisé que l'autre. La raréfaction, elle est homogène. Elle se fait de façon, donc, comment dirais-je, complète, équilibrée pour l'ensemble du squelette. D'accord ? Voilà. Donc, la déminéralisation, elle est homogène. D'accord ? Pour le tassement malin, elle est inhomogène. Elle est inhomogène pourquoi? Parce qu'il ne serait pas le donc, un foyer sur la même vertèbre, un foyer peut justement sur la même vertèbre. Vous pouvez trouver donc, le foyer métastatique qui est situé sur un endroit et pas l'autre de la vertèbre. D'accord? D'ailleurs, l'un des critères, d'accord, de, aussi de malignité, quand vous avez un passement qui est en quelque sorte pas symétrique. C'est-à-dire, vous voyez un passement, un affaissement plus prononcé, par exemple, à ce niveau-là, par rapport au côté contralatéral. Vous avez un passement qui est asymétrique. D'ailleurs, c'est l'un des critères de malignité. Sur la même vertèbre, un passement, mais qui se fait de façon asymétrique. Vous avez un côté, et vous avez principalement, donc pour les méta, il y a les tumeurs, c'est surtout la crème de l'arc extérieur et des donc, pédicules qui est donc prédictif de la malignité du tassement. Donc je termine d'abord. Donc, tassement bénin, donc c'est un tassement homogène, tassement malin, c'est un tassement inhomogène. Donc les corticales, donc elles sont bénin, elles sont amincies. Amincie, mais non altérée. C'est-à-dire, il n'y a pas de discontinuité au niveau de la corticale osseuse. D'accord? Pour un tassement bénin. La continuité, bon, il n'y a pas d'altération des contours de la corticale. Aucune altération. Il n'y a pas de lise osseuse. Au niveau de la corticale osseuse. D'accord? Dans un tassement malin, donc l'un des signes de malignité, quand vous avez une lise de la corticale osseuse. Une lise de la corticale osseuse prédit d'une origine maligne jusqu'à preuve. Le contraire. D'accord? Voilà. Troisièmement, donc, pour les tassements bénins, jamais atteinte de l'arc postérieur. D'accord? L'arc postérieur. Et mur vertébral postérieur. C'est-à-dire, dans l'osteoporose, le mur vertébral postérieur, il est intègre. Il n'est jamais touché. Dans les passements vertébraux, altération du mur vertébral. Jamais. Donc, demain, Inch'Allah, pour le groupe qui a stage, ok, prenez des clichés du rachis et essayez de les voir. Donc, je serai au service. Celui qui s'intéresse, venez nous voir. Prenez un cliché sur la vertèbre, un peu de silence. Sur la vertèbre. Donc, je vais essayer de schématiser ça. Voici une vertèbre. Vous avez la vertèbre épineuse qui est comme ça. Sur la vertèbre de face, sur les radiographies de face, vous avez la vertèbre épineuse, donc elle est comme ça sur la vertèbre. Vous avez les pédicules qui sont les yeux de la vertèbre. D'accord? Donc ça, c'est la vertèbre. Et les deux pédicules. D'accord. Et vous avez l'examen latéral. Bien sûr, vous avez les articulaires supérieurs et les articulaires inférieurs entre les deux vertèbres. Alors, pour une vertèbre, un tassement bénin, donc les yeux de la vertèbre ne seront jamais altérés. C'est-à-dire, vous allez pouvoir visualiser ces deux pédicules de façon normale. Par contre, pour un tassement malin, on a ce qu'on appelle un aspect de vertèbre en lien. Avec disparition de l'un ou des deux pédicules. D'accord? D'accord? Donnant un aspect de vertèbre. Et c'est un critère de malignité. D'accord? Donc cet aspect-là, c'est un critère de malignité pour ce tassement vertébral. Sur une radiographie de profil, donc vous avez, sur la radio de profil, donc le mur vertébral antérieur en ostéoporose, donc vous avez le mur antérieur et vous avez le mur postérieur. D'accord? Vous arrivez à imaginer la chose ou non? Reprenez un petit peu votre anatomie. Ok? Donc le mur vertébral postérieur, trou de conjonction, d'accord? Bon, vous avez le canal rachidien, les pédicules, là, qui le lient. Bon, je vais reprendre. Bon, ça, c'est le profil. Vous avez. Donc, ceci constitue le canal rachidien. Bon, je ne sais pas schématiser, pas mal. Ça, c'est les limbes, d'accord? Et là, vous avez le mur vertébral postérieur. Dans les tassements malins, ce mur vertébral est très souvent altéré. Il est soit boursouflé, vous avez l'aspect et l'aspect boursouflé, soit il est carrément lisé. Et bien sûr, pour confirmer ce type de lésion, vous auriez besoin, d'accord, surtout pour l'arc postérieur, il est un peu difficile à analyser sur les radiographies standards et on a toujours besoin de compléter par un scanner ou bien par une IRM. Mais devriez déjà, sur la radiographie de face, discerner déjà à la radio de face, essayer de la radiographie pardon, standard, essayer de rechercher des critères de malignité de ce tassement vertébral. D'accord, c'est clair? Bon. Quels sont les examens? Quel est l'examen radiologique? Un peu de silence. La place de l'IRM et de la TDM et de la scintigraphie osseuse dans l'ostéoporose a des indications donc, limitées. C'est quand vous suspectez donc, fortement donc, voilà, une malignité que vous êtes dans l'obligation de compléter avec ça. D'accord? Sinon, oui, vertèbre bonne, c'est bon. Un mur vertébralisé, c'est bon. D'accord? Un aspect de tassement vertébral asymétrique sur la même vertèbre, c'est suspect. Mais le vertèbre bonne, une fraction, une atteinte de l'arc postérieur, une atteinte du mur vertébral postérieur, c'est des critères de malignité peu. D'accord? Donc, la place de la TDM, de l'IRM, de la scintille, donc, ils n'ont pas donc une place pour quelque sorte de diagnostic positif, non, sauf si vous suspectez donc, une malignité. Donc, un patient qui se présente avec une altération d'état général, une fracture suite donc une perte de poids. Ok, voilà. Donc, compléter avec ça. Mais sinon, ils n'ont pas de place pour le diagnostic positif d'une ostéoporose. Donc, le meilleur moyen, c'est quoi? C'est. Prévention. Non, pour le diagnostic. Mais c'est mon sonnage, le temps. C'est l'ostéodensitométrie. La DMO, D'accord. Pardon ? Non, c'est tout. La radiographie spontanée, elle vous dit, donc elle permet de vous dire s'il y a une infection ou non. Elle est importante pour l'étude du fractus. D'accord ? La radiographie spontanée, elle est principalement importante pour la fracture. D'accord ? Mais sinon, vous avez une raréfaction osseuse, mais qui reste à explorer. Parce que, je me répète, le diagnostic de vos opposes est un diagnostic d'exclusion. D'accord, c'est clair. Donc, le seul moyen et le meilleur moyen, d'accord, il reste très, très, donc, bénéfique pour le diagnostic de l'osteoporose, c'est la DMO, c'est l'ostéodensitométrie osseuse. C'est quoi? Donc c'est un examen radiologique non irradiant, mais pas irradiant. Un peu de silence s'il vous plaît. C'est un examen qui n'est pas irradiant, donc vous avez une source. Donc c'est ce qu'on appelle l'absorptionmétrie biphotonique à rayon X, d'accord? Donc, c'est un examen spécifique donc, qui se fait par le médecin lui-même. C'est un examen comme l'échographie qui est examinateur dépendant, c'est-à-dire donc, on doit respecter certains paramètres pour réaliser cet examen. C'est un examen qui se réalise donc, sur les vertèbres lombaires et sur le col du fémur. Sur les vertèbres lombaires pour étude de la masse osseuse au niveau du tissu osseux spongieux. Au niveau du col fémoral, c'est pour l'étude de la masse osseuse au niveau de l'os cortical. D'accord ? C'est clair ? Donc, c'est un examen examinateur dépendant parce qu'il y a certains paramètres à respecter, parce qu'il y a de certains faux positifs, d'accord ? Qui viennent fausser le résultat. Et si c'est, donc, l'examinateur n'est pas donc, habilité, n'a pas l'habilité ou bien qu'il n'a pas l'expérience pour le faire, il peut facilement vous donner des résultats faussés. Donc c'est un examen examinateur dépendant. D'accord ? Donc c'est quoi ? Il permet donc, de calculer donc, la densité minérale osseuse au niveau du tissu osseux spongieux, au niveau vertébral et au niveau cortical. On peut le faire pour l'ensemble du corps, mais il n'est pas assez performant pour le reste. On a remarqué que donc, il est performant pour les vertèbres lombaires et pour le col fémoral. D'accord ? Donc il se calcule donc, en déviation standard, il se calcule en grammes par centimètre carré, en grammes par centimètre carré. On a ce qu'on appelle le T-score et on a le Z. Score, d'accord. Le T-score et on a le Z-score. Donc, le Z-score, il n'est pas utilisé dans l'ostéoporose, d'accord. On utilise le T-score qui permet de calculer donc, la densité minérale osseuse du patient, d'accord, par rapport donc, à la densité, c'est en médiation standard, par rapport à la densité minérale osseuse, donc adulte, d'accord, du même âge. Voilà. Justement, pour voir la différence entre donc, le sujet et la tranche d'âge donc, des sujets adultes. Pour le Z-score, c'est pour les sujets du même âge et du même sexe. Pas pour le T-score, c'est des sujets adultes. D'accord. C'est-à-dire, on se limite parce que c'est un examen qui se fait généralement pour donc des sujets adultes. Et là aussi, normalement, on devrait avoir, bon, il y a l'hôpital de Douéra qui fait un travail là-dessus pour avoir nos propres paramètres. D'accord ? À nous, parce que chaque pays a ses propres paramètres pour la définition. D'accord ? C'est vrai, il y a une définition donc, de l'OMS, une définition densitométrique, d'accord ? Donc, qui se définit par un taux de T inférieur ou égal à 2,5. L'ostéoporose, bon, de toute façon, j'ai un tableau, je vais vous montrer. C'est ça. غير كونتاكتي معايا باه ندير لك الخاتم كي البارح حيت دي غوتاج واش يلاه عطينا البوس اوفر Le T-score doit être supérieur ou égal à moins 1. D'accord ? On parle d'une ostéopénie, d'accord ? Quand vous avez un T-score qui est compris entre moins 1 et moins 2,5. On parle d'une ostéoporose avérée, confirmée, quand vous avez un T-score qui est inférieur ou égal à moins 2,5. D'accord ? Et on parle d'une ostéoporose sévère. D'accord. Quand vous avez un T-score inférieur ou égal à 2,7 qui est associé à au moins une fracture, quel que soit le siège. D'accord. Donc c'est la définition OMS, d'accord, de la ostéoporose. C'est une définition donc, purement densitaire, médicale. Bien sûr. Allez sur le cours de trace. C'est clair, donc c'est le seul actuellement et c'est un moyen très performant, d'accord, pour poser le diagnostic de l'ostéoporose. Donc la question qui se pose pour cette ostéodensitométrie, c'est quand est-ce qu'il faut la faire? Pour qui il faut la faire? D'accord? Est-ce qu'on va s'amuser à la faire pour l'ensemble des femmes ménopausées? Non. Non, d'accord. Sinon, on n'en finira jamais, d'accord. Donc, BMI est généralement destiné, c'est vrai, pour confirmer, d'accord, le diagnostic de l'ostéoporose, d'accord, chez certains patients. Donc, on présente une fracture, d'accord, devant une fracture, surtout vertébrale, col, ou bien une fracture de protocol qui survient suite à une chute donc, banale, ou bien donc, suite à un incident banal, donc de insignifiant. Donc il faut réaliser donc, une ostéodensitométrie osseuse chez les sujets donc, qui ont reçu, donc qui présentent des facteurs de risque. Les sujets qui présentent des facteurs de risque tels que médicamenteux, une IMC, c'est très important, j'ai oublié de parler de ça. Donc, un indice de masse corporelle inférieur à 19, d'accord, surtout inférieur à 19, surtout en période de croissance, d'accord, ou bien donc à l'état où la maladie se présente. Donc, une IMC inférieure à 19, c'est un facteur de risque de survenue de l'ostéoporose. Donc, un sujet qui présente un facteur de risque, des antécédents, par exemple, familiaux de premier, donc pour des sujets de premier degré. Si, par exemple, voilà, votre père, votre mère, d'accord, votre frère, votre soeur ont déjà fait des fractures pathologiques, donc parce qu'il y a des facteurs génétiques dans le remodelage osseux en lui-même. C'est-à-dire, on a remarqué que les sujets, donc des familles ostéoporotiques, d'accord, si le père ou bien la mère, par exemple, ont déjà fait une ostéoporose très avancée, donc les enfants sont très susceptibles à faire la même chose. Parce qu'il y a des facteurs génétiques qui sont incriminés dans le remodelage osseux lui-même. 70% de ce remodelage, en quelque sorte, est assuré par ces facteurs génétiques. Et c'est juste 30% de ce remodelage qui est assuré, ou bien qui est contrôlé par des facteurs environnementaux, donc calcium, vitamine D, maladies endocriniennes. C'est clair, d'accord ? Quand un sujet de premier degré, donc un sujet A, un parent de premier degré qui a présenté une fracture ostéoporotique, c'est un facteur de risque majeur pour le sujet à faire une fracture aussi, donc lui-même, une fracture d'origine ostéoporotique. Donc, on a dit, pour les sujets avec une fracture avérée pour les sujets qui présentent des facteurs de risque. Sinon, c'est à vous de juger, ok? Parce que ce n'est pas un examen non remboursable en France. Il est remboursable dans certaines situations. Pour nous, actuellement, il se fait gratuitement, et encore, je crois, chez moi, Constantine, on ne dispose pas, sauf la clinique Amel, d'accord, qui dispose d'un ostéoconcitomètre, vraiment. Bon, sur Alger, chaque hôpital est mené dans des ostéoconcitomètres. Ils sont en train de faire ça encore gratuitement. Mais d'ici, pour plus tard, ça va risquer de poser des problèmes, comme en France. Donc, c'est un examen qui est remboursé pour une certaine tranche de malades. Et c'est un examen qui est coûteux. Il est coûteux. Et tout ça, il faut tenir compte. Ça rentre dans le cadre du coût de la prise en charge elle-même de l'osteoporose. C'est clair? Alors, bien sûr, il faut éliminer tous les facteurs fragilisants, d'accord, devant donc un tableau. Donc, devant un tableau radiologique, je dis bien radiologique, d'une raréfaction osseuse, éliminer principalement des métastases osseuses, une osteomalacie, une hyperpara, toutes les pathologies fragilisantes de l'os, une dysplasie fibreuse des os, d'accord. Bon, vous trouvez ça dans tout, je ne vais pas m'étaler. Alors, j'arrive au volet thérapeutique, le traitement. Le traitement, qui traiter aussi et qui ne pas traiter, d'accord. Donc c'est la question donc, qui se pose toujours avec les malades. C'est pas n'importe qui doit donc, en quelque sorte, être traité. Voilà, c'est pas un sujet qui présente une émotion clinique. Il n'est pas encore ça que ce n'est pas toutes les femmes ménopausées qui font une osteoporose. Bon. La définition de l'osteoporose n'est pas liée à la ménopause. Elle n'est pas clonée à la ménopause. On peut être ménopausé sans jamais développer. Et ceci est lié pas seulement à la vitamine, donc tout l'activité physique, donc les facteurs génétiques, les facteurs crédibles, les facteurs secondaire, tout ça est impliqué. Donc il faut trier, il va falloir filtrer dans les patients qui nécessitent ou pas un traitement de fond. Pour le traitement préventif, il s'adresse à toutes les catégories. D'accord. Toutes les catégories de patients doivent avoir un traitement préventif donc, qui est donc principalement donc, basé sur l'activité physique suffisante, régulière, d'accord, donc pour un minimum de 30 minutes jusqu'à 1 heure, 3 fois par semaine. Normalement, ceci permet d'avoir l'activité physique régulière de 30 minutes à 1 heure, 3 fois par semaine, permet d'avoir une action anabolisante pour l'os, même si on est ostéoporotique. Même si on est ostéoporotique, c'est clair. Donc, l'activité physique régulière. Deuxièmement, donc un apport vitamino-calcique suffisant, donc à partir donc, de l'âge de la ménopause, généralement, 50 ans, 60 ans, un apport calcique de 1,5 g est normalement donc indiqué et surtout donc, d'origine alimentaire. Il faut essayer de faire accès sur les aliments riches en calcium parce que médicamenteux, c'est des apports qui ne sont pas dénués de risque, surtout sur le plan cardiovasculaire. Donc on préfère toujours donc, concentrer ça sur une bonne ration alimentaire vitamine. Calcique. D'accord. Pour la vitamine D, tout dépend des chiffres. Bon, on n'avait pas la possibilité de le faire, mais maintenant, on a la possibilité de chiffrer la vitamine D. Et ça devient donc normalement devant toute raréfaction osseuse. Il faut toujours doser la vitamine D, même dans l'ostéoporose. D'accord. Même dans l'ostéoporose, il faut toujours doser la vitamine D. Et la correction sera normalement fonction des chiffres de cette vitamine D. Des normes, c'est normalement supérieur ou égal à 30 nanogrammes par millilitre. Donc, vous avez donc, la carence. Donc, un sujet est carencé en vitamine D quand le taux est inférieur ou égal à 10. Entre 10 et 20, on dit qu'il est donc là une diminution de la carence, mais il n'est pas très carencé. Mais il va falloir encore traiter au-delà de 30 nanogrammes, le taux il est normal. Inférieur à 10 nanogrammes, donc on donne généralement 100 mg de vitamine D donc sur 3 mois, chaque 15 jours. D'accord ? Puis une ration de 100 mg, 100 000 unités chaque 2-3 mois, de façon continue. Pour un sujet qui présente un taux de vitamine D inférieur ou égal à 10 nanogrammes, 100 000 unités de vitamine D, d'accord, chaque 15 jours, sur une durée de 3 mois. Et puis, par la suite, quand vous traitez votre entretien, une ration de 100 000 unités chaque 2-3 mois. Entre 20, 10 et 20, c'est une ration de 100 000 unités chaque mois, d'accord, sur 3 mois. Par la suite, traitement d'entretien le même. Une ration de 100 000 unités chaque 2-3 mois. C'est clair? Bon, de toute façon, vous risquez de trouver ça sur n'importe quel ouvrage. Et pour un taux entre 20 et 30, on fait généralement 3 litres de 100 000 unités chaque 2-3 mois. De façon continue. Après, la ménopause et chez les sujet de sexe masculin, à l'image adulte. D'accord. À côté de ça, à côté du traitement préventif, un peu de silence, s'il vous plaît. Pour le traitement curatif, bon, il y a donc une panoplie d'accord de médicaments sur le marché. Et il va falloir donc sélectionner le meilleur traitement. Donc, pour chaque maladie, ce n'est pas un traitement stéréotypé pour chaque personne. Par exemple, pour l'ostéoporose masculine, on a certaines molécules qui ont la même pour. Il y a juste des bifosphonates et deux types de. C'est détaillé dans le cours, c'est pas la peine de l'écrire. Donc, deux types de bifosphonates, l'alendronate et le résidronate. L'alendronate à 10 mg, le résidronate à 5 mg, qui sont autorisés chez l'homme. D'accord. Chez la femme, d'accord, il y a donc une diversité de médicaments. Vous avez le traitement hormonal, substitutif en chef de file, mais un peu de silence. Donc généralement indiqué dans les premières années, parce que il va falloir, c'est des traitements qui n'ont pas un effet rémanent dans le temps. C'est des traitements qui n'ont pas un effet rémanent, c'est-à-dire, vous m'expliquez, ce n'est pas des traitements qui gardent un effet, ce n'est pas des médicaments qu'on va prendre de façon continue, parce qu'ils ont des effets secondaires très délétères pour l'organisme. Donc, il va falloir, en quelque sorte, faire une hiérarchie dans la prescription de ces médicaments, de sorte qu'il va falloir couvrir toutes ces années par une médication anti-ostéoporotique. Surtout pour la femme, principalement pour la femme, d'accord. Sauf pour les bifosphonates et les bifosphonates, donc il ne faut pas dépasser 4-5 ans de traitement. Bon, il y a des études qui disent 7-8 ans, c'est des labos, attention, il y a même de la corruption, mais bon, consensuellement, il ne faut jamais dépasser donc, un délai de 4-5 ans de traitement. Donc, il va falloir faire une certaine hiérarchie dans la prescription de votre traitement. Okay. Surtout principalement chez la femme ménopausée. Alors, j'ai une femme ménopausée en dehors de toute contre-indication de traitement hormonal, contre-indication cancérigène, quand on est dans le cancer du sein ou bien cancer du sein actuel, cancer du sein, de l'endomètre, accident antécédent de l'accident thromboembolique, antécédent de cardiopathie donc grave, on peut instaurer juste dans à la ménopause, le traitement hormonal, d'accord, qui a un effet aussi bénéfique sur les signes climatériques de la ménopause, l'été de chaleur et tout ce qui s'ensuit, bien sûr, et là, avec un suivi assez rigoureux, donc sur le plan, surtout, donc, risque de complications cardiovasculaires et cancérigènes pour le traitement hormonal lui-même. C'est un traitement qui est à base d'œstrogène. Donc, préférablement, donner des traitements combinés, œstro-progestatifs. D'accord ? Pour essayer, en quelque sorte, de minimiser le risque œstrogénique et le risque principalement cancérigène. D'accord ? Il y a les sphincters aussi, les CERN. Les CERN, sélecteurs électifs des récepteurs d'œstrogène. Ils ont l'avantage de ne pas avoir des récepteurs, d'accord, pour ce type de molécules au niveau du sein et du lendemain. Seulement, donc, il va falloir surveiller ces patients. Il y a des contre-indications aussi, donc, des antécédents thromboemboliques, des usines hépatiques, de cardiopathie sévère. Donc, ceci contre-indique l'utilisation de ces CERN, sélecteurs électifs, donc des récepteurs d'œstrogènes. En Algérie, on a ce qu'on appelle des listins, dosé à 60 mg, une prise quotidienne de 60 mg par jour, sur une durée généralement toujours de 2, 3, moyenne 4, 5 années, à ne pas dépasser. Par la suite, oui. On peut relayer, en absence de contre-indication, d'accord, on peut relayer avec les THS, donc avec les CERN, d'accord. Mais les CERN, ils ont une action surtout sur les tassements vertébraux. Ça prévient surtout les tassements vertébraux. Et ça ne prévient pas les fractures du tronc vertébral. On peut facilement débuter dès la ménopause par un traitement à base de bifosphonate. D'accord ? Ça, je vous ai dit. Bon, d'ailleurs, c'est l'une des grandes questions à chaque fois qu'on pose. À nous trois, surtout les trois Français quand ils viennent pour nous aider. Par quel médicament il va falloir commencer? Si on arrive ce médicament, est-ce qu'on a le droit de relayer avec un autre liposomal? On vient d'arrêter un autre liposomal. Est-ce qu'on peut relayer avec, switcher, d'accord, avec un autre liposomal, d'accord, d'une autre famille? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Voilà, maintenant ça marche, il y a des complications. Parce que même pour le jeune, il y a le risque de prendre sa fonction. C'est pas possible. Voilà. Donc vous avez des différences qu'on a, et je n'ai pas étalé ça assez détaillé. Est-ce que vous avez des questions?